Nous saluons l'Église ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur. Tout ce que Dieu fait pour nous est grand. Et nous devons être reconnaissants pour ça. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous continuons avec notre prédication sur les identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Je vous invite à vous lever. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, depuis le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, Simoni Petro akajibu, tu es le Christ, uko Christu, le Fils du Dieu vivant. Mwana wa Mungu mzima. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu kisha kubeba neno akamwambia, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, uko waeri, Simoni, mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, sababu ena mwili na maji kufunulia ile, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini baba yangu yuko kumbingu. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Grand Dieu, du fond du cœur, nous te disons merci. Tu nous as donné le souffle de vie et un bon moment pour venir dans ta maison. Nous sommes tes enfants. Parle-nous par ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce soir, guéris les malades au nom de Jésus-Christ. Fortifie les faibles. Relève ceux qui sont tombés. Et pourvois tous nos besoins, Seigneur. Nous croyons que tu le feras, parce que nous te le demandons ainsi par la foi, dans le nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Les identifications de la véritable Église, la kanisa ya kweli, du Dieu vivant, ya Mungu mzima, la seule véritable que Dieu a sur la terre. Kanisa tu peke ya kweli ile Mungu anayo pa dunia. Hier, nous avons montré jana tulionyesha la signification du mot Église. Mana ya ile msemo kanisa. C'est ça la première identification de la véritable Église. Ndio kitambulisho kia kwanza kia kanisa ya kweli. C'est la signification du mot Église. Ni mana ya ile msemo kanisa. Comme Israël, sawa Israeli, quand il est sorti de l'Égypte et qu'il a traversé la mer, na itambuka bahari, c'est alors qu'Israël est devenu Église. Parce qu'ils étaient complètement séparés de tout ce qui s'est passé en Égypte. De même aujourd'hui, l'Église, ce sont des gens, ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés à sortir hors de quelque part. Ils doivent sortir du monde. C'est vrai, mes chers frères. Nous devons sortir du paganisme, de toutes les coutumes païennes, de toutes les traditions, de tous les plaisirs du monde. Ce que vous devez savoir, c'est ceci. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est vrai. Nous venons de l'éternité. Et nous sommes dans le temps. Et nous allons retourner à l'éternité. C'est pourquoi nous ne sommes pas du monde. Même le Seigneur a prié. Il a dit, je te prie. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais de le préserver du malin. C'est vrai. C'est pourquoi, bien-aimés frères du Seigneur, la parole de Dieu nous oblige à sortir. Chacun de nous doit sortir. C'est vrai. Même des dénominations, on doit sortir. Même des plaisirs, on doit sortir. De toutes les fausses doctrines, nous devons sortir. Et même de la vie impure, c'est vrai. Il est écrit dans Apocalypse. Parce que le message que nous avons reçu, c'est un appel à sortir. Apocalypse chapitre 18. Depuis le verset 1, il est écrit. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il criait d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Anakuwa makao ya mademona. Un repère de tout esprit impur. Fazile utakuta maro yote ya mchafu. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations sababu mataifa yote ont bu du vin de la fureur de son impuricité. Ilikunya mvinyo ila sira ya busharati yake. Et que les rois de la terre nata mafalme wa dunia se sont livrés avec elle à l'impuricité. Warjitoa pamoja naye kubusharati. Et que les marchands de la terre na bakuzisha wa dunia se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du millier d'elles, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Amen. Amen. Jean a vu cette grande vision. Yohane aliona hii onyo ya munene. Et l'ange lui a dit. Wakati na malaika alimwambia. Elle est tombée Babylone la grande. Ananguka Babylone mkubwa. Babylone signifie confusion. Babylone maana yake ni mvuruko. C'est pourquoi une église qui a la confusion doctrinale, c'est la Babylone spirituelle. C'est pourquoi nous, en tant que peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit, neno ya Mungu netuambi, j'ai entendu une voix qui disait, nikasikia sauti mko nasema, sortez du millier d'elle, mon peuple. Tokeni katikati yake, c'est pourquoi l'église ya Mungu, de Dieu, ya Mungu, la véritable église de Dieu, kanisa ya kweli ya Mungu, ce n'est pas une habitation de démons. Aina makao ya mademona. Je vous dis la vérité. Niko nimeambia ukweli. L'église n'est pas un repère de tout oiseau impur. Kanisa na fazi utakuta ma, ndeke yote ya buchafu. Même nous quand nous avons cru. Hata shi wakati uliamini. Bien mes frères. Wapendo banduku. Personne d'entre nous. Hakuna tamua katikati yetu. N'a le droit de vivre comme il veut. Eko na ruhusa ya kuishi vile anataka. Au nom de la grâce. Munjina kusema ya nema. Oh, nous sommes sauvés par grâce. Oh, tunaokolewa kwa nema. Alors tu vis n'importe comment. Sasa unaanza kuishi namna yote yote. Bien aimé. Bapendwa. La grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Nema ni nema kwa yule anayepokea sana nema. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce et nous devons vivre comme des païens. La Bible dit dans Romains au chapitre 6, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce augmente? Loin de là. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Amen. De même, Christ est ressuscité. De même, nous aussi, nous devons marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi, en tant que croyant, tu n'as pas le droit de vivre comme tu veux. Parce que l'église de Dieu, ce n'est pas une habitation des démons. C'est vrai. Où vous allez trouver dans une église un frère et une sœur confessant la même foi avec le message en main, ils s'engrossent dans l'église. Quelle honte! L'église n'est pas une habitation des démons. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Le sang de Jésus-Christ qui nous a sauvés, il est très précieux. C'est vrai. C'est pourquoi par notre vie, nous ne devons pas profaner le sang. Non. Nous ne devons pas marcher sur le sang. Nous ne devons pas piétiner le sang. Parce que le sang de Christ est très cher. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun sang d'un homme sur la terre qui peut faire une grande famille telle que nous sommes. Mais le sang de Jésus a fait de nous une très grande famille. C'est un sang qui unit les Européens, les Africains, partout où tu vas aller, tu vas trouver la famille chrétienne. C'est un sang très précieux. Comment toi, un frère, tu peux te permettre de courtiser une sœur, arriver jusqu'au point de vous engrosser? C'est une honte. Comprenez bien la chose, mes chers frères. Et toi, ma soeur bien-aimée, comment tu peux te permettre de te déshabiller devant un frère en Christ? C'est une confusion. Et une telle vie ne doit pas se retrouver au sein de l'église du Dieu vivant. C'est pourquoi, bien-aimée, quiconque vit de cette manière, il est encore temps de mettre sa vie en ordre. Parce que le Seigneur revient bientôt. C'est vrai. Une vie impure. Une vie d'impuricité dans l'église. Des avortements. La sœur s'est fait engrosser par un païen. Alors il va forcer l'avortement pour que les gens ne sachent pas la chose. Écoutez ceci. L'église peut ne pas connaître la chose. Mais grand Dieu observe les pas de chacun. Il connaît ce que tu fais même dans les ténèbres. Parce que l'œil de l'Éternel est trop pur pour voir ce qui se fait. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu te fais avorter pour les points de l'école, un professeur qui t'engrosse pour te donner des points, et toi tu acceptes avec cette parole ici de vérité, c'est une honte. C'est mieux de manquer le point. Ni muzuru kosa ta ma point. Mais ne pas manquer Jésus. Lakini shimukose Yesu. C'est vrai. Ni bya kweri. Par notre vie. Kupitia maisha yetu. Le nom de notre Dieu. Jina ya Mungu wetu. Doit être glorifié. Inapasha itukuzwe. Il doit être honoré. Inapasha heshimiwe. Je vous dis la vérité bien aimé. Ni kunimeambia ukweli bapendo. C'est pourquoi l'église de Dieu. Ndio kwa maana kanisa ya Mungu. Ne doit pas être une habitation de démons. Haipashwe ikuye makao ya mademona. Père de tout oiseau impur. Chacun vit n'importe comment. Non, mes chers frères. Quiconque est en Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens. Au chapitre 5. Le verset 17. La Bible dit. Si quelqu'un est en Christ. Kama muntu yuko ndani ya Kristu, il est une nouvelle créature. Anakuya maumbile mupya. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Na mambo yote na kwa sasa ya sasa. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Mais depuis que tu as cru, sasa tangia pale uliamini, tu es devenu nouveau en quoi? Unakuwa wa sasa munini? Bien aimé. Bapendwa. Des adultères dans l'église. Mabusharati mukanisa. C'est une honte. Nibia aya. Un frère et une sœur. Nduku na dada moya. Des amants. Bapendwa basha kupendana. Des amants. Babala. Des concubins. Basha kupendana babala. Dans l'église. Ndani ya kanisa. C'est une honte. Nibia aya. Dieu ne nous a pas appelés pour former un mouvement ici. Ni une nouvelle dénomination. Non. Dieu nous a appelés et il nous a envoyé un message pour notre préparation à l'enlèvement. C'est ce que nous attendons ici. Je vous dis la vérité bien aimée. C'est pourquoi voir un frère kuona nduku escroc mwenye kwa wakuibiana qui escroque l'argent des frères ule kone bien franga ya banduku l'argent des païens feza ya bapagano un homme criblé de dettes muntu mwenye kujana mandeni full et il commence même à fuir ses créanciers na anaanza hata kukimbia pale kuna bo mandeni quand quelqu'un vient demander sa dette wakati mtu anao kulomba mandeni yake il instruit même sa femme anaambia hata mke wake bibi yake si monsieur tel venait kama muntu fulana anakuya dit lui que je ne suis pas là mwanisha sema mishi nako c'est une honte ni aya sana. L'apostasie, c'est ajouter péché à péché. C'est pourquoi, mes chers frères, nous devons prier le Seigneur afin que Dieu nous aide à mener une vie digne de l'Évangile. C'est vrai. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5 au verset 3. Ouais, Ephésiens suratanu mstaratatu. Que l'impurité. Buzinifu. Qu'aucune espèce d'impureté. Aina yote ya buchafu. Et que la cupidité. Na tamaa ya mno ya feza. Ne soit pas même nommée parmi vous. Ishitaiwa hata katikati yenu. Ainsi qu'il convient à des saints. Jo vile na stahili kwa takatifu. C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. De telles choses ne doivent pas se nommer parmi nous, comme il convient à des saints. Donc dans une assemblée de saints, dans une église de saints, de telles choses ne doivent même pas se nommer. C'est la parole de Dieu. Que vous acceptiez ou pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères. Maintenant, chacun d'entre nous, sasa, wetu, il doit prier le Seigneur afin que Dieu puisse l'aider. Kusudi Mungu amsaidie. Il est dit ceci banasema hivi. Dans la lettre circulaire Mubarua ya kuzunguka, de décembre 2012, ya mwezi ya 12, 2012 à la page 6, mukartasi ya 6. Il est dit ceci. Banasema hivi. Dieu exige l'ordre et la sainteté dans son église. Mungu analazimishwa usawa na utakatifu ndani ya kanisa yake. Je voudrais que l'église comprenne bien la chose. Nataka kanisa ielewe namna mzuri mambo. Dieu exige l'ordre et la sainteté dans l'église. Mungu analazimishwa usawa na utakatifu ndani ya kanisa yake. L'incrédulité kutokuamini et la désobéissance na kutokutii ne peuvent absolument pas subsister devant lui. Dans nombreuses de ses lettres, Paul a particulièrement mis en lumière les choses par lesquelles on peut être exclu du royaume de Dieu. Une fois, il énumère jusqu'à 15 œuvres de la chair. 15 œuvres de la chair. À savoir, l'impuricité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Vous trouvez un frère qui est ennemi à l'autre frère. C'est inconcevable dans l'église. Dieu nous a aimés en Christ. Et de même, nous devons nous aimer les uns les autres. Bien aimés, personne parmi nous ici n'est ton ennemi. Notre ennemi commun, c'est Satan. C'est vrai. C'est pourquoi en tant que chrétien, on ne doit pas vivre dans les inimitiés. Une sœur qui ne se parle pas avec l'autre sœur, c'est une honte. Un frère qui ne se parle pas avec un autre frère, c'est une honte. Vous ne vous parlez pas sur la terre. Vous ne vous aimez pas sur la terre. Vous allez seulement vous aimer au ciel. C'est faux. Avant d'aimer Dieu, mbele ya kumpenda Mungu, il faut aimer celui que vous voyez. Inafadhali kupenda ule unaona. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères. Ya kweli bapendo banduku. C'est pourquoi les inimitiés ne doivent pas se retrouver au sein de l'église. Buadui upashe upatikane katikati ya kanisa. Les querelles, makokotano, les jalousies, mabuivu, les animosités, maasira, les disputes, mabukomvi, les divisions, makukabulana, les sectes, tumankunji nkunji, l'envie, matama, l'ivrognerie, mabulevi, les excès de table, maulafi. Vous trouvez au sein de l'église ukunakuta katikati ya kanisa, des petits groupes dans l'église, tumankunji nkunji mkanisa. Celui-ci est derrière celui-là. Uye ko nyuma ya huyu mtu. Celui-là est derrière celui-là. Yaka nkunji ko nyuma ya mtu mwingine. Ça ne doit pas se retrouver au milieu de l'église. Basho ipatikanike katikati ya kanisa. Jamais. Kamwe. Tous nous devons être rangés derrière Jésus-Christ. Je bote tunapasha kuya nyuma ya Yesu Kristo. Et Jésus-Christ c'est la parole. Na Yesu Kristo ni neno. Amen. Amen. C'est pourquoi bien-aimé. Joko mwana bapendwa. Dieu nous a fait une grâce spéciale Mungu dans cet âge. Mungu atufanyia neema mwa. Il nous a donné une grande lumière. Comment avec cette lumière? Tu peux être jaloux. Même du don que Dieu a donné à un frère. Si le frère chante bien, c'est la gloire de Dieu. Toi, tu ne dois pas avoir la jalousie. Si le frère prêche bien, et que Dieu bénit l'église, c'est la gloire de Dieu. Ya Mungu. Mais le mal est que sasa bubaya ni, quand Dieu te donne un don, wakati Mungu anakupatia zawadi mwa fulani, ne t'attire pas la gloire. Hapana wewe kujikokotea utukufu. Grand Dieu ne partagera jamais sa gloire Mungu avec un homme. Mungu naweze kukabula utukufu yake na mtu. Peu importe le don que Dieu t'a donné. Aizuru zawadi le Mungu anakupatia. Nous allons glorifier. Je tutatukuza. Pas toi. Hapana wewe. Mais Dieu qui t'a donné ce don. Lakini Mungu anakupatia le zawadi. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons sortir de toutes ces histoires. Il continue, il dit, Il est certain que celui qui sera trouvé pratiquant de telles œuvres de la chair ne sera pas enlevé. Cela vaut la peine de regarder dans le miroir de la parole et de relire une fois encore de tels passages. Chaque véritable croyant qui appartient à l'épouse de l'agneau, qu'il soit homme ou femme, akuwe mwanamke au mwanaume, jeune homme ou jeune fille, kijana mwanaume au binti, se purifie comme lui-même est pur, ajitakase paka sawa vile mwenyewe kwa mtakatifu. Amen. Amen. Et ce qui nous purifie, na kile kiuna tutakasa, ce qui nous sanctifie, kile kiuna tutakasa, c'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. C'est pourquoi un chrétien doit aimer la parole. Joko mwana mukristo napasha kupenda neno. Plus que toute autre chose sur la terre. Mambo yote ingine pa hii dunia. Aimer la parole plus que votre travail. Mupende neno kushinda ta kazi yako. Aimer la parole plus que ta propre vie. Penda neno kushinda ta maisha yako wewe mwenyewe. Parce que la parole c'est Dieu. Sababu neno ni Mungu. Tout ce que nous avons sur terre, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est vrai. Quiconque sera trouvé pratiquant de telles œuvres ne sera pas enlevé. C'est vrai. C'est pourquoi, frère, sœur bien-aimée, quand Dieu te donne un bon moment pour venir écouter sa parole, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. C'est vrai. Tu dois écouter la parole et avoir le souci de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est vrai. Seul, nous ne pouvons rien. Mais celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est vrai. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes appelés à sortir de toutes ces choses. La mondanité. Nous allons essayer de parler cela hier. Paul a écrit Paulo ariandika à Timothée, kwa Timoteo, dans 1 Timothée au chapitre 2, Timoteo wa kwanza sura ya pili, il est dit ceci, banaandika hivi, le verset 9, mstari ya 9, Timothée chapitre 2, le verset 9. Timothée wa kwanza sura pili mstari 9. Je veux aussi que les femmes, nataka tena banamuke, vêtues d'une manière décente, bavwale munamu na heshima, avec pudeur, na aya. Voilà, que Dieu te bénisse, frère. Nduku, une femme doit se vêtir avec pudeur, mwanamuke napasha kuvwala na haya, et modestie, na unyenyekevu. Ne sépare ni détresse, ashijipambe au na kushuka shuka bintu ya kushuka, ni d'or au na mazabu, ni de perles au na lulu, ni d'habits somptueux au na mavazi moya ya kuangaria, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, lakini apate kujipamba na matendo mema, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Sawa vile na stahili kubana mke bali beko na kiri asema beko na mtumikia Mungu. Tout ce que la Bible dit pour nous, c'est oui et amen. Une femme chrétienne doit s'habiller décemment. C'est vrai. Avec pudeur et avec modestie. C'est pourquoi la femme ne doit pas se coller beaucoup d'histoires sur son corps. Comme nous avons parlé hier. Ici, le prophète Branham dit ceci. Apa, Nabi Branham, on a sema hivi. Quand on lui pose la question sur ce verset, wakati manamuliza juu ya hii mstari hii, tunatoka kusoma. Dans la question réponse numéro 1, mu maulizo na majibu namba ya kwanza, la question 251, ulizo ya 251, Prophète Branham, Ndugu Branham. Est-ce que 1 Timothée 2, 9 Eti Timothée wa kwanza 2 mstari 9 signifie qu'une femme ne peut pas tresser ses cheveux? Maana yake ni kusema mwanamke ashipashi ashukishe manywele? Ndugu Branham anajibu. Maintenant. Sasa. Regardez ce. Mwangalie dada. Je suis content. Niko na furaha. Que celle-ci ait fait suite à l'autre. Hii nafuata hii ingine. Je ne l'ai jamais mise là. Misha iwekaka pado hapa. Mais seulement. Lakini tu. Elle est tombée si à propos. Ari inanguka pa hii mambo. Regardez. Mwangalie. En ce temps-là. Mwile wakati ile. C'est-à-dire au temps de Paul. Ni kusema mwakati ya Paulo. Les cheveux tressés, manuels à kushuka, étaient le signe d'une femme de rue. Il quoi alama ya mwanamke mwa mubalabala. C'était au temps de Paul. Il quoi mwakati ya Paulo. C'est ce qu'elle faisait. Jo ile barikuwa anafanyaga bale banamke. Elle tressait ses cheveux. Barikuwa anashuka shuka manywele yabo. Et Paul dit aux chrétiennes. Na Paulo anambia kuba Kristo banamke. Que cette parure. Ya kwamba ile namna ya kujipamba. Ne consiste pas en détresse. Haina mumambo ya kushuka manywele. Voyez. Munaona? Or vous n'êtes pas censé ressembler au monde. Japo amustahili mpate kufanana na dunia hapana. Ou agir comme le monde. Au kutenda sawa dunia. Voyez-vous? Munaona? Les femmes sont censées être différentes en cela. Banamke banastahili wapate kuachana mwile mamambo ile. Voyez-vous? Munaona? Non. Hapana. Voilà comment il répond. Munaona vya anajibu sasa. 1 Timothée 2, 9. Ni kusema Timothée wa kwanza 2. Ne signifie pas qu'une femme ne peut pas tresser les cheveux. Aiseme asema mwanamke ashipashi asuke nywele hapana. Maintenant. Sasa. Aujourd'hui. Leo. Les cheveux tressés. Nywele ya kushuka. Ce sont jolis. Iku ya murembo ya mzuri. Et c'est bien loin de la mode du monde. Na iku mbari sana na tabia ya dunia. Voyez. Munaona. Et la façon dont les femmes arrangent leurs cheveux. Namune le banamuki banatengeneza manywele yabo. Aujourd'hui. Leo. Arrangez vos cheveux. Mutengeneze manywele yenu. N'importe comment. Munamna kanikani yote. Mais. Lakini. Ne ressemblez simplement pas au monde. Mushifanane tu na dunia. Je voudrais que l'église comprenne bien la chose. Napenda kanisa elewe mzuri mama. Il n'est pas défendu à la femme de tresser les cheveux. Aikatazio kwa mwanamke kushukisha nywele. Parce qu'il dit c'est joli. Sababu anasema iko ya mzuri. Mais au temps de Paul. Sasa mwakati ya Paulo. C'était un esprit. Ilikuwa ni roho mwa mchafu. Il avait embrassé les prostituées. Ilikuwa shakubamba bandumba. C'est pourquoi Paul. Njoo kwa maana Paulo. A écrit aux femmes chrétiennes. Aliandikia kwa mwanamke wa Kristo. De ne pas tresser pour ne pas ressembler aux prostituées. Anasema washaanze kushukisha nywele njoo washifanane na bandumba. Mais aujourd'hui. Mais lakini sasa leo. Tresser les cheveux. Kushukisha nywele. C'est joli. Iko mzuri kumrembo. Et arrangez vos cheveux. Anasema mutengeneze manywele yenu. N'importe comment. Yote. Mais ne ressemblez pas au monde. Lakini mushijifananishwe na dunia. Cher frère. Bapendo banduku. Laissons la citation dans son contexte. Tuache imusemo mu aina yayo mfazi yayo. Frère Branham ne dit pas arrangez vos perruques comme vous voulez. Ndugu Branham ashisema sema mutengeneze maperiki yenu vile munataka. Ni vos plantes comme vous voulez. Au ma plante vile munataka. Mais il dit d'arranger les cheveux. Lakini anasema mutengeneze manywele. Que celui qui est de Dieu comprenne la Mwenye chose. Wa Mungu aelewe imambo. Amen. Amen. C'est pourquoi mes chers frères. Njoko mana bapendo banduku. La mundanité c'est une maladie grave. Ki dunia ni magonjwa mwa ya hatari. C'est une maladie grave. Ni magonjwa mwa ya nguvu. Ma sœur, tu dois contrôler comment tu t'habilles. Dada unapasha kuangalia namna kani unavala. Tu dois convenir, tu dois t'habiller de manière à convenir à une sainte. Unapasha kuvala munamna kustahili butakatifu. Pourquoi? Juu ya nini? C'est pour ne pas exciter l'adultère aux hommes. Ni njushi tongoze bule busharati kwa wanaume. Oui. Ndio. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu. Yeye Bwana Yesu alisema Mathayo. Au chapitre 5. Musura ya 5. Verset 27 à 28. Musura ya 27 na 28. Vous avez appris. Murijua. Il a été dit. Barisema. Tu ne commettras point d'adultère. Hautatenda busharati. Mais moi je vous dis. Lakini mimi namionyesha. Quiconque regarde une femme. Yeyote anangalia mwanamke. Dans le but de la convoiter. Mukifukuzia kumtamania. Il a déjà commis adultère avec elle. Anesha kufanya busharati pamoja naye ndani ya moyo wake. C'est pourquoi une femme doit bien s'habiller. Joko mwana mwanamke anapasha kuvala mzuri. Merci à Jésus pour nous avoir envoyé ce message. Asante kwa Yesu kwa vile tutumia hii ujumbe. C'est une parole de vérité. Ni neno ya ukweli. N'est-ce pas tu as sillonné les églises, mon frère? Aina, tu es allé d'église en église. Mais tu n'avais jamais changé. Mais quand Jésus t'a fait grâce, il t'a ramassé dans le bourbier. Et il t'a amené ici. Il a donné un matériel à ses serviteurs. Et ce matériel, c'est sa parole. Et Dieu t'a appelé. Et tu as répondu oui na à l'appel de Dieu. Et tu es venu. Na maintenant, voilà ce que la parole de Dieu a fait sasa, de toi. Ya aujourd'hui, tu es fils de Dieu. Leo, wa Mungu. Aujourd'hui, tu es fille de Dieu. Leo, wa Mungu. Pourquoi ne pas dire merci à Jésus? Dieu, asante kwa Yesu. Amen. Amen. C'est vrai. Ni Dieu n'aime pas l'impureté dans son église. Mungu apende buchafu ndani ya kanisa yake. Et seul nous ne pouvons rien. Na shebe nyatu taweza kitu. Mais avec l'aide de Dieu. Lakini pamoja na msaada ya Mungu. Nous allons faire quelque chose. Tutafanya mambo. Parce qu'avec Jésus. Sababu pamoja na Yesu. Nous sommes plus que vainqueurs. Tuko na bashindaji kabisa. Bien-aimé, bapendwa, je vais dire ceci. Napenda niseme hivi. La véritable église du Dieu vivant. Kanisa ya kweli ya Mungu mzima. C'est Jésus lui-même qui l'a fondé. Ni Yesu yeye mwenyewe ndiye alianzisha litunga. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme. Haina mtu. C'est pourquoi Pierre n'a pas commencé l'église. Ndio kwa maana Petro hana yeye alianza kanisa. Non. Hapana. Ce n'est pas Paul qui a commencé l'église. Aina Paulo yeye alianza kanisa. Ce n'est pas Branham qui a commencé l'église. Aina Branham alianza kanisa. Le fondateur de la véritable église c'est Jésus-Christ. Mwanzishi wa kanisa ya kweli ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. C'est pourquoi il a dit. Joko maana alisema. Toi tu es Pierre. Wewe uko Petro. Mais sur ce roc. Lakini yule yeye mwamba. Je bâtirai. Mimi mwenyewe nitajenga. Mon église. Kanisa yangu. Jésus bâtit son église lui seul. Yesu unajenga kanisa yake yeye mwenyewe. Même si il utilise un homme. Hata kama anatumia mtu. Pour commencer une église. Juu ya kuanzisha kanisa. Ce n'est pas l'homme qui a commencé. Haina ule mtu yeye alianza. C'est lui-même Dieu au travers d'un homme. Ni yeye mwenyewe Mungu kupitia ule mtu. Voyez. Mnaona? C'est lui qui a fondé son église. Ule ni yeye mwenyewe alijenga kanisa yake. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu. Juu kwa maana kazi ya Mungu. Prospère dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Et après avoir fondé cette église, na kisha yeye kujenga ikanisa, il l'a inauguré. Alianzisha yeye mwenyewe. Le jour de la Pentecôte. Kushiku ya Pentecôte. C'est ça l'inauguration de la véritable église. Njoo kuanzisha kwa kanisa ya kweli ya Mungu. Jésus n'a pas inauguré son église. Yesu ashikuanzisha kanisa yake. Animolant les chèvres. Mukuchinja mbuzi. Non non. Hapana. Il a inauguré l'église. Alianzisha kanisa yake avec l'effusion du Saint-Esprit na kumwanga kwa Roho Mtakatifu selon Acte chapitre 2 kufuatana matendo ya mitume sura ya pili du verset 1 au verset 3 mstari kwanza mpaka ya tatu le jour de la Pentecôte siku ya Pentecoste ils étaient tous ensemble dans le même lieu barikuwa bobote fazi moja et tout à coup na kwa ghafla il vint du ciel kumbingu katoka un bruit impétueux makile moya ya nguvu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit bote bakajaziwa na Roho Mtakatifu cher frère bapendo banduku. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Des langues de feu. Maulimi ya moto. Leur apparu. Ika onbaonekanikia. Séparer les unes des autres. Yenye kuachana mmoja kwa mwingine. Et se posèrent sur chacun d'eux. Na ikashimama yule kila mmoja wao. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Na bote bakajazo na Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit est venu en forme de langue. Roho Mtakatifu ulikuya muhumbo ya lulimi. Pas en forme de tête. Aikuwe muali ya kichwa pana. Non. Apana. Ni en forme de main. Au muhumbo ya mkono. Mais en forme de langue. Lakini muhumbo ya ulimi. Cher frère. Bapendo banduku. Quand vous lisez bien la Bible. Wakati unasoma mzuri Biblia. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est un feu. Ni moto. Et quand il vient, na wakati anakuya, il vient pour brûler le péché. C'est pourquoi la langue, ulimi, selon la Bible, fatana Biblia, c'est ça le monde de l'iniquité. Njo dunia ya uovu. La langue. Ulimi. Lisons un peu dans Jacques chapitre 3. Tuisome mu Yakobo sura ya tatu. Jacques chapitre 3. Yakobo sura tatu. Lisons le verset 2. Tu sommes mustara kiapili. Excusez, lisons le verset 5. Samani mustari ya kiatano. De même, ville ville, la langue ulimi, est un petit membre. Nikawingo kaloko. Et elle se vante de grandes choses. Na kiko nijitukuza na bintu binene binene. Voici comme un petit feu. Tazama sawa kamoto kaloko. Peut embraser une grande forêt. Inaweza kulungusha mpori munene kabisa. La langue aussi. Ulimi nayo pia. Est un feu. Ni moto. C'est le monde de l'iniquité. Ni dunia ya wovu. La langue est placée parmi nos membres. Ulimi naweka katikati ya bamemba yetu ya mili. Souillant tout le corps. Mukuchafusha mwili yote. Et enflammant le corps, le enflammant le cours de la vie. Na iku na washa mwenendo ya maisha yetu. Étant elle-même enflammée par la gehenne. Yo inyewe nyekuya nyekuwekwa kuwaka na deza. Bien-aimé. Bapendwa. La langue divise les familles. Ulimi kuna kabula majama. La langue souille les gens. Ulimi kuna chafusha batu. C'est pourquoi en tant que chrétien. Jo koma na sawa Kristu. On doit faire beaucoup d'attention avec la langue. Tunapasha kusopoka sana na lulimi. C'est par la langue que l'on calomnie les gens. Ni kupitia ulimi tunasemea batu bintu bibaya. Et la calomnie c'est un péché. Na kusingiziana ni zambi. Le frère n'a rien fait. Nduku ashikufanye kitu. Il n'a pas volé. Ashikuibe. Mais toi tu dis qu'il a volé. Lakini wewe unasema riba. Tu as calomnié le frère. Unamsemea bibaya biasho bia ile alifanya. C'est pourquoi la langue. Jo kwa maana ulimi. C'est le monde de l'iniquité. Ni dunia ya ovu. La médisance. Kusemea mtu vibaya darifanya. C'est toujours pas la langue. Ni kupaka kupitia ulimi. Les critiques. Kusemeana vibaya. C'est toujours pas la langue. Ni paka kupitia ulimi. C'est pourquoi le prophète Branham. Ndio kwa maana ndugu Branham. Dans son message la démonologie. Mujumbe yake kujifunza kwa mademona. Il dit la calomnie et la médisance. Anasema kusingiziana na kusemeana vibaya bia benyewe. C'est de l'acide sulfurique dans l'église. Ni sumu ndani ya kanisa. Nous devons prier les uns pour les Unapasha autres. Même si il arrivait que le frère est tombé. Ata inafika nduku ananguka. Ne parle pas en mal de lui. Hapana kumsemea bile bibaya byake. Priez pour lui. Umombe. Parce que le voyage est long. Sababu safari ngariki murefu. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Wewe ujue inaweza kufikia kesho. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Maana tunapasha kuombea bamoya na bengine. Amen. Amen. Nous ne sommes pas appelés à nous critiquer les uns les autres. Atuitwe kwanza kushimangana bamoya na bengine. Mais à prier les uns pour les autres. Lakini kuombeana bamoya na bengine. C'est vrai. Bya kweri. C'est pourquoi la langue c'est un monde de l'iniquité. Ndio kwa maana ulimi ni dunia ya wovu. La véritable église. Kanisa ya kweli. Jésus l'a fondé. Yesu alijenga itunga. Et il a inauguré le jour de la Pentecôte. Na alianzisha siku ya Pentecôte. C'est pourquoi la Pentecôte ce n'est pas un nom qu'on doit placarder devant l'église. Ndio kwa maana Pentecôte yana njina moto tunapasha kuweka mbele ya kanisa. 30e CPCO. Asema 30e CPCO. 45e CPCO. 45e CPCO. La Pentecôte ce n'est pas un nom. Pentecôte yana njina. La Pentecôte c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Pentecôte ni onjo ya ubatizo ya Roho Mtakatifu. Et dans cet âge. Na mwiki Zazi, Dieu nous a envoyé un message ujumbe, pour nous ramener à la véritable expérience de la Pentecôte. Kule onjo ya kule ya Pentecôte. Amen. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi, cher frère, bien-aimé, bapendwa, Dieu est grand. Mungu ni mkubwa. C'est pourquoi chacun d'entre nous, kila moja wetu, il doit savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Anapasha kujua namna kani ya kujongoza ndani ya nyumba ya Bwana. Comme Paul écrivait à Timothée. Paka vile Paulo kunaandikia Timoteo. Je viens bientôt vers toi. Niko nakuja hapa sasa kwako. Mais si il arrive que je tarde. Lakini kama inafika mimi nakawia. Il faut que tu saches. Inafadhali ujue. Comment te conduire? Namuna kani yao kujongoza. Dans la maison de Dieu. Ndani ya nyumba ya Mungu. Qui est l'église du Dieu vivant. Mwenye kuya kanisa ya Mungu mwenye kuwa hai. La pui. Tegemeo. Et la colonne de la vérité. Na nguzo ya ukweli. La véritable église c'est la colonne de la vérité. Kanisa ya kweli ni nguzo ya ukweli. Et la vérité c'est la parole de Dieu. Na ukweli ni neno ya Mungu. C'est pourquoi bien-aimé. Ndio kwa maana wapendwa. N'accepte pas que rien de faux soit implanté dans ton cœur. Hapana kuichika kia bongo kimwa kiingizwe ndani ya moyo wako. Je vous dis la vérité. Na mionyesha ukweli. Quand vous croyez au mensonge. Wakati unaamini kubia bongo. Vous ne serez pas scellé du Saint-Esprit. Hautatiwa muhuri ya Roho Mtakatifu. C'est vrai. Bia kweli. C'est pourquoi cette église ici. Ndio kwa maana hii kanisa hii. La véritable église. Kanisa ya kweli. que Jésus lui-même a fondé. Ile Yesu ye mwenye alitunga. Il prêche un message spécial. Iko na ubiri ujumbe moya upeke. Et son premier message. Na ujumbe yake ya kwanza. C'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ni Jésus-Christ ye moja moja jana leo na hata milele. Je vous dis la vérité. Na mionyesha ukweli. Même ce soir. Hata imangaribi. Jésus est avec nous. Yesu yuko pamoja nasi. Et il est vivant. Na yuko mzima. Ce qu'il a fait hier. Kila alifanya jana. Il le fait aujourd'hui. Yeye kunifanya na leo. Et il le fera éternellement. Na ataifanya na mumilele. C'est le Dieu que nous prêchons. Ni Mungu le chetu kuna ubiri. Jésus-Christ est le même. Yesu Kristo moja moja. Hier, aujourd'hui et éternellement. Jana leo na hata milele. Le fondateur de la véritable église. Mwanzishi wa kanisa ya kweli. Voyez bien aimé. Munaona bapendwa. Sur cette terre, il y a des églises des hommes. Pa hii kanisa peko, pa hii dunia peko makanisa ya bantu. Des églises des hommes. Makanisa ya bantu. Quand il meurt. Wakati yule mtu anakufa. Il va laisser l'église dans les mains de son fils. Atacha kanisa mikono ya mtoto yake. Ça ce n'est pas l'église de Dieu. Ile na kanisa ya Mungu. Ça c'est l'église des hommes. Ile ni kanisa ya bantu. Et un homme ne peut pas commencer une église. Na mtu hawezi kuanza kanisa. Pour ensuite la confier à Jésus. Njoo kisha apate kumpatia yeye Yesu. On ne peut pas donner une église à Jésus. Hakuna namna kumpatia yeye Yesu kanisa. Jésus lui-même bâtit son église à lui. Yesu yeye mwenyewe anajenga kanisa yake. C'est vrai. Ni bia kweli. Bien aimé frère. Mapendo banduku. Dans cette église ici. Mui kanisa hii. La véritable église. Kanisa ya kweli. Voyez l'église catholique. Muone kanisa ya kikatolo. Il a été fondé par un homme. Ilijengwa ilitungwa na mtu. C'est Constantin. Ni Constantin. En 325. Mou 325. À Nice, à Rome. Mou le kunise ku Roma. Et il a pris cette église, il l'a marié avec l'État. Na ribeba ile kanisa, anayunganisha kuwa serikali. Et depuis que Constantin est mort. Na tangia pale Constantin alikufaka. Jusqu'à ce soir. Kufika na hii wakati ya magharibi. Sa tombe est fermée. Tu kaburi yake kwenye kufunga. La tombe de Simon Kimbangu est fermée. Kaburi ya Simon Kimbangu iko yenye kufunga. La tombe de Mahomet est fermée. Kaburi ya Mahomet iko ya kufunga. Même la tombe de Kadima Makenga est fermée. Hata kaburi ya Kadima Makenga iko yenye kufunga. Mais le fondateur de la véritable église. Lakini mwanzisha wa kanisa ya kwanza ya kweli, Yesu wa Nazareti. Sa tombe est ouverte jusqu'à ce soir. Kaburi yake kuwazi kufika na wakati ya magharibi. Voilà le Dieu adorable. Tazama Mungu wa kuabudu. Voilà le Dieu véritable. Tazama Mungu wa kweli. Et la vie éternelle. Na uzima ya milele. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus mérite l'honneur et la gloire. Yesu anastahili utukufu na heshima. C'est vrai. Ni bia kweli. Chaque jour, kila siku, quand vous vous réveillez, wakati unalamuka, il faut remercier le Seigneur. Inafadhali kumpigia asante Bwana. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Kwa byote bya kufanyishia. Te donner seulement la grâce de croire à cette parole, c'est une grâce. Kupatia tu neema ya kuamini kwa neno ni neema. Et tu dois le remercier pour cela. Na unapasha kumpigia asante. C'est vrai. Ni bia kweli. Chaque matin, kila asubuhi, chaque soir, kila magharibi, avant de dormir tu pries. Mbele ya kulala unalomba. Avant de te réveiller tu pries. Mbele ya kulamuka unaomba. Et à la fin de ta prière, na kumwisho wa maombi yako, ne manque jamais de dire Seigneur merci pour l'œuvre de la croix. Hapana kukosa kama kusema kwa Bwana asante kwa kazi ya kukalvario. Ni était l'œuvre de la croix. Kama ile kazi ya kumsalaba iko kuu yeko. Nous ne serions pas ce que nous sommes. Hatukupasha kuya hivi tuiko. Nous n'aurions même pas chanté. Hatukupasha ta kuanza kuimba. C'est vrai. Ni bia kweli. Nous chantons. Tukuna imba. C'est à cause de la croix. Ni kwa sababu ya msalaba. Nous prêchons. Tukuna ubiri. C'est à cause de la croix. Ni kwa sababu ya msalaba. Nous prions. Tukunaomba. C'est à cause de la croix. Ni kwa sababu ya msalaba. C'est la croix qui a fait de nous tout ce que nous sommes. Ni msalaba ndio ulifanya hivi nasi vituiko. C'est vrai. Ni bia kweli. C'est pourquoi Jésus mérite l'honneur. Ndio kwa maana Yesu anastahili heshima. Il n'y a aucun nom sur la terre. Hakuna hata mtu hapa dunia. À qui nous devons rendre honneur plus que Jésus-Christ. Ule tunapasha kumrudishia heshima kushindia Yesu Kristo. Jamais. Kamwe. Même quand tu l'adores mon frère. Hata kama kuna mwabudu ndugu yangu. Ma soeur bien-aimée, quand vous adorez Jésus. Dada yangu mpendwa, wakati kuna n'adorez pas Jésus. Apana kuabudu Yesu. Comme si tu étais grand frère à Jésus. Sawa tu ulikuwa mkubwa yake wa Yesu. Très sérieux. Nile ni adamani kabisa. Seulement sérieux là. Uko mwenye kuwa pale na moyo wako wote. Wakati bantu wako na imba. Tu fais ça. Wewe unapika na heshima yote. Parce que toi tu coûtes cher plus que la parole. Sababu wewe una bei sana kupitia neno. Ça c'est faux. Ile ni bia bongo. C'est un signe montrant que tu n'as pas la joie de ton salut. Parce qu'un homme sauvé, le salut s'accompagne de la joie du salut. C'est pourquoi les rachetés, les sauvés, adorent Jésus comme s'ils étaient fous. Parce que nous sommes fous de Jésus. Je vous dis la vérité. La Bible dit, peuple, taifa, battez les mains. Mupike mikono. Tu dois battre les mains. On approche à mupike mikono, Dieu est chima et Yesu. Même s'il arrivait que tu ne connais pas la chanson. Ata kama nafika ujue le mwimbo. Mais tape les mains. Lakini wewe pika mikono tu. À l'honneur de Jésus. Dieu est chima et Yesu. Parce que c'est lui seul qui mérite l'honneur et sababu la gloire. Sababu ni pekee ndio anastahili heshima na utukufu. Le fondateur. Mwenyezi mwanzishi. De la véritable église. Ya kanisa ya kweli. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. C'est vrai mes chers frères. Ndio kweli wapendwa banduku. Et toutes ces églises des hommes. Na ima kanisa yote ya bantu. Un jour elles finiront. Chiku moi ita malizika. Oui. Dio. Elles ne font nulle part. Ayende fazi ata moja. Mais la véritable église. Lakini kanisa ya kweli. Dieu lui a envoyé un message. Mungu alitumia ujumbe. Un message spécial. Ujumbe moi ya upeke. Confirmé par Dieu lui-même. Yenye kuhakikishwa na Mungu yeye mwenyewe. Oui. Dio. Le ciel connaît ça. Mbingu inajua ile. Personne d'entre nous n'oublie l'événement du 11 juin 63. Akuna ta muntu mwa katikati yetu ula tasabwa ile mambo ilifikaka mu le 11 juin 1933. Oui. Ndio. Pendant que frère Branham baptisait. Wakati ndugu Branham alikuwa anabatiza. La 17e personne. Ule muntu wa 17. Une voix vient. Sauti mwana kuya natoka. En des termes clairs. Mumisemo ya wazi kabisa. De même que Jean-Baptiste. Vile vile sawa yono mbatizaji. A été envoyé. Alitumwa. Comme précurseur de ma première venue. Sawa kutangulia kuya kwangu kwa kwanza. Il était donné un message. Na we ujumbe mwe na kupewa. Pour préparer. Juu ya kutayarisha. La seconde venue du Seigneur. Uja kwangu kwa pili kwa Bwana. Frère, c'est clair et net. Ni wazi kabisa kabisa. C'est pourquoi nous sommes sûrs que nous sommes dans le vrai. Njoo kwa maana tuko na ile uhakika ya kwamba tuko ndani ya ukweli. Je vous dis la vérité. Na mionyesha ukweli. Ce n'est pas Branham l'homme qui prépare les pauses. Aina Branham munte unatayarisha bibi harusi. Ce n'est pas Frank qui prépare. Aina Frank unatayarisha bibi harusi. C'est la parole de Dieu qui ni prépare. Ni neno ya Mungu unatayarisha bibi harusi. Branham a fait sa part. Branham anafanya kazi yake. Et il est allé. Na anapita. Frank a fait sa part. Frank anafanya pari yake sehemu yake. Na yeye pia anapita. Mais la parole est là. Lakini neno yoyo iko kwako tu. Et c'est la parole qui nous prépare. Na ni neno unatutayarisha. Pour ce soir. Jia mangaribi ya leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.